C'est l'été, le hockey est fini, les grèves aussi. Fait que bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir. Bonjour tout le monde, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir. On a réussi à commencer le podcast Mac Québec à 21h pile. Et en fait, on avait deux invités, donc l'émission était très intéressante. Je vous invite à la télécharger si vous ne l'avez pas déjà fait. Et présentement, il est 10h29, donc on est un petit peu en retard. On est bien content que vous soyez là. Et je suis bien content que mes animateurs soient là. Donc Vincent qui est avec moi, ça va bien Vincent? Ça va bien toi? Oui, passez une bonne semaine. Passez une belle semaine. J'ai pour ma part, j'ai été aussi occupé. J'aimerais ça faire du shameless name dropping. J'ai été cette semaine chez Patrick Huard, Simon-Olivier Fecteau et Philippe Falardeau. Fait que je veux le dire parce que je suis big puis c'est ça. Fait que voilà. Fait que j'ai pas réussi à voir les nouvelles à Apple trop puis pour être honnête, en fait, le show d'aujourd'hui des amateurs n'est pas vraiment préparé. On espère que vous avez des questions. C'est ça, ce show-là n'est pas toujours préparé parce qu'on ne peut pas trop préparer d'avance ce show-là. On va essayer de répondre sur le fly. Là. Voilà. Bon, il y en a qui veulent encore de la musique, là, Vincent. Là. On part-tu nos tunes? Mais nos tunes. Vas-y, donc, c'est pour mon ami Martin, il n'est pas là souvent. Fait que vas-y. Faudrait que je trouve une musique quétaine ou quelque chose comme ça. Là. Mais. Une vieille toune, attends un petit peu. Là. Un truc heavy metal. Down as cold as I... Non, peut-être pas. Non. Une toune que j'aime beaucoup. Bass. C'est une chanson de Bass Hunter qui s'appelle. Russian Project. Puis quand j'écoute cette tune-là, quand je développe, là, je suis productif comme ça se peut pas. Là. Ça code, mon chum. Mais je pense que je gagne 2 heures de code en 3 minutes de tune. À cause du. On n'a même pas passé plus que 30 secondes. La musique est podcast safe, c'est correct. D'après moi, à cause du lag, on bougeait la tête comme ça, comme des fous chez nous, mais à cause du lag, on avait juste l'air de pas bouger. Le monde faisait. Mais pourquoi ils mettent de la musique puis ils dansent pas? Donc, voilà. Et on a évidemment très content. On a Jeff qui est avec nous comme un seul homme. Ça va bien, Jeff? Ben oui, très bien, toi. Oui, une grosse semaine? Oui, pas pire. En début d'intro du podcast, tu disais qu'il n'y a plus de hockey, mais la nouvelle aujourd'hui, c'est que Crosby a signé pour 12 ans et 104 millions. Crosby, c'est pas le gars que dès qu'un goon le regarde, il tombe à terre, il saigne du nez, puis. Il y a une commotion cérébrale. Quand il revient, il a changé de nom, ouais, c'est ça? Non, c'est quand même. C'est pas sûr que c'est un super investissement. Je pense pas, moi non plus. Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre quand j'ai vu ça. Voyons, 12 ans à Crosby, voyons donc, il y a de la misère à finir un an, des fois. C'est un très bon investissement quand même, là. On s'entend Crosby. Oui, je sais que c'est un très bien investissement, là. C'est pas notre Gomez à nous. Autres, là, mais bon. Il reste combien de jours avant d'être encore pogné avec lui? 3 jours, je pense? Ouais, 3-4 jours, on n'a pas la même. Là. Fait que, mais bon, on n'en parlera pas plus. Il renvoie d'Arche puis il garde le mec. Ben ouais, c'est-tu niaiseux, j'en reviens pas. Quand j'ai vu ça aujourd'hui, je vois que c'est ça, cette maudite niaiserie-là. Tu sais, il renvoie d'Arche. Voyons, allô! que moins de francophones dans l'équipe, plus de Mexicains. Ouais, c'est bon. Arrête, tu vas finir comme voyons comment il s'appelle donc le psychiatre là. Mayou avec ses ratés. Ouais, mais c'est mon show, il y a 20 personnes qui écoutent puis c'est parce qu'ils ont bien voulu. Fait que si je veux dire que je trouve ça un peu niaiseux qu'il y ait 5 lesbiennes libanaises qui ont dit « Hey, nous autres, là, on trouve que les humoristes, là, ils font des jokes, ces filles, puis on veut pas prendre leur argent, là, ben je peux le dire, tu comprends-tu? » Bon, okay, c'est correct. Sinon, toi, cette semaine, en tout cas, pour ma part, j'ai regardé la présentation de Google. On a dit qu'on n'en parlerait pas, mais tu vois, c'est mon show, fait que j'ai décidé d'en parler. Puis, on peut parler de Google, mais on ne peut pas parler d'un autre mot. Là. Ouais, c'est ça. 30 secondes. Mais la présentation était malade. Là. Je veux dire, le sketch qu'ils ont fait avec les lunettes, moi, les lunettes, je les veux. Pas à 1500$. Mais c'est développeur. C'est la même chose qu'un PS3 développeur. Chez Ubisoft, ça leur coûte pas 300$ là, un unité de développement PS3. C'est comme 2000-3000$. Moi, je veux les lunettes quand ils vont sortir. J'imagine que ça risque de tourner autour de 300-400$. Ça va être malade. Je vais passer ma journée à bouger des globes oculaires ça, pour aller sélectionner mes affaires dans la lunette. Et, je suis sûr qu'est-ce qui va arriver. Ça va être une application Find My Friends. Quand tu vas pouvoir sélectionner la personne, tu vas voir. Dans le fond, tu vas apparaître dans sa caméra puis tu vas voir ce qu'il voit en ce moment. Là. Ouais. Il va y avoir quelque chose comme ça, je suis sûr. À un moment donné. Mais moi, je tiens à faire une prédiction, OK? C'est certain, et là, ça risque d'être assez macabre. C'est sûr, OK, qu'il va y avoir un Google Hangout un jour d'une espèce de magnata en puissance qui va être en train, avec les lunettes, de découper quelqu'un puis qui va proposer contre une forte somme d'argent de se connecter pour que tu puisses observer ce qu'il fait en même temps. C'est sûr, il y a un paquet de films qui ont été faits là-dessus. Regarde, on fait juste aller vers le moins bon, là, puis tout le kit, là, t'sais, de fois en fois, quand on voit un débile mental découper du monde, c'est de pire en pire. C'est clair qu'on s'en va. Ça a été la même chose avec la Kinect. Quand ils ont sorti la Kinect, Microsoft, les affaires que le monde ont faites, je veux dire, aïe, là, tu sais, imaginais déjà la fille devant toi, que tu y touchais les seins, là, puis toute l'affaire-là. C'était malade, ça, faire ça. Là, c'est comme, tu sais, il y avait vraiment. Ouais, j'ai vu ça bien avant. Là. J'ai vu un reportage là, sur du cybersexe il y a à peu près 15 ans de tout ça. Le gars, il n'est pas regardable. Il y a une espèce de combinaison là, partout, là, tu sais, noir avec plein de fils, puis le gars a ça. Puis il y a quelqu'un, genre, qui fait des impulsions électriques, puis le gars, il reçoit comme un. Une espèce de pseudo-caresse électrique, là, un truc, tu veux pas faire ça dans ta vie, là, jamais, jamais. Il y a du monde dans le chat qui disent que tu devrais partir ça comme projet Kickstarter. Moi, des projets pour les lunettes, là, parce que je veux pas faire ça, tu sais, on va découper un chat à soir live, tu sais, voyons. Mais j'ai plein de bonnes idées pour les lunettes. Il y a du monde. Il y a du monde qui disent, et c'est vrai, pendant la présentation, il y avait l'air, d'utiliser les lunettes pendant qu'il est présenté. Vous regarderez la présentation, là, mais la fille, elle lag. La fille, tu sais, si je suis en train de te parler là, de quelque chose, puis je prends mon téléphone, là, puis que mon attention est séparée en deux, là, je vais laguer. La fille, elle avait le même lag. Il y a plein de choses qui se passaient dans ses lunettes pendant qu'elle les présentait. Puis quand Sergueï est venu sur scène, c'était la même affaire. Il était comme pas sûr de quelque chose. Il avait l'air d'utiliser les lunettes pendant qu'il vendait. Bref, ce que je voulais dire, c'est que ça m'arrive souvent de me faire reprocher que je n'essaye pas les autres plateformes. Et si je vois que j'ai les moyens, je vais probablement m'acheter un Nexus 7 pour en faire l'essai. Je trouve que c'est une tablette qui est pas chère. Combien déjà? Est 209$ canadien. Pour combien de gigs? C'est 8 gigs. Ouais, OK. Puis, c'est une tablette, Dean. 16, je vais te bannir. 16. Ouais, okay. Moi, je le voudrais parce que je trouve que 200$, c'est un prix d'entrée qui est intéressant pour toucher à la dernière version d'Android, voir où est-ce qu'ils en sont rendus, la tester un peu. Je trouve que c'est un segment de marché qui est pas laissé de côté par Apple. Je pense que ça intéresse pas Apple d'aller du côté de la petite tablette. Je pense que ça peut faire mal. Certaines personnes qui peut-être économisaient jusqu'à maintenant pour s'acheter un iPad à 500$, qui ont peut-être 300$ d'économiser, ben vont peut-être se dire, tiens, à la place, je vais abdiquer et je vais aller vers la tablette Android. Mais ce que ça l'a fait, et ça, j'en suis certain, ça vient de tuer le Kindle Fire. Ça, sûr, 100%. Tu as déjà essayé Kindle Fire? Non, jamais. Ça va assez bien. Ça va assez bien. Mais les specs de la tablette 7, de la Nexus 7, sont plus forts que le Kindle Fire. Donc, moi, je suis vraiment sûr. Puis, les choix qu'ils ont faits. C'est toujours sûr dans une vidéo promotionnelle, mais écoute, j'ai hâte de la tenir parce que moi, j'ai essayé plusieurs tablettes, puis c'est pas parce que je bâche Android, là. J'avertis Dean, là. Mais c'est pas parce que je juste la bâche, parce que je l'ai déjà essayé Android, là, puis je trouvais que c'est de la merde, là. Acer, là, la tablette qu'il y avait, là, c'était de la merde, là, les premières. Tu me fais penser à quelque chose. On a appris aujourd'hui, en fait, que le prix de 209$, c'est le prix cost. OK? J'aimerais juste rappeler aux gens dans toute cette histoire-là que Google ne prend absolument aucun risque avec cette tablette-là. J'ai l'impression que tout le coût de fabrication est pris sur les épaules à Asus, qui dit « Ah, c'est cool, je peux utiliser le nom Nexus et donc vendre des tablettes un paquet à ce niveau-là. » Une compagnie qui vend les affaires le même prix qui les a payées, ça fait pas d'argent, OK? Les modèles d'affaires, là, ils sont tous en train de manger leur bas. C'est pas une façon de faire de la business. Et en fait, ce qui pourrait nous rebondir en pleine face, c'est une fabuleuse idée que Google a eue de faire fabriquer la... Comment ça s'appelle? La boule? La Nex-Q. La Nex-Q? Ça, c'est intéressant comme produit. Bon, peut-être, là, sauf que... ce que je voulais dire, c'est que ouais, ça a c'est été cher. Fait. Savez-vous pourquoi? Il y a un amplificateur, je crois, à l'intérieur. Savez-vous pourquoi elle est chère? Parce qu'elle est fabriquée aux États-Unis. Ouais. Fait que c'est. Mais ils ont mis un amplificateur à l'intérieur pour s'assurer de la qualité du son aussi. Tu sais, c'est pas juste une espèce d'Apple TV de streaming. La non, machine mais est le faite seul... pour faire du bon son aussi. Le seul, oui, mais le seul contenu qu'elle est capable d'obtenir, ça provient d'un appareil iOS. Fait que t'es obligé. Moi, un produit que tu es obligé d'en avoir un autre, là, Non, c'est pas du tout un Apple TV, c'est pas mal moins que ça. Non, c'est vraiment moins que ça. C'est encore moins que. Pas la Boxy. Oui, la Boxy. Ouais, c'est ça. C'est encore moins parce que le seul contenu, c'est du contenu streamé à partir des téléphones. Fait que là. Que ça sonne bien, je veux bien. Que ça soit plugué sur une TV, je veux bien. Mais c'est vraiment pas le produit Google TV. C'est vraiment pas un truc que tu rajoutes à ta télévision et ça devient une Google TV. De Google Play aussi, Alexis. Oui, oui, mais ça veut dire que tu vas pouvoir streamer des jeux dessus ou... Parce que je pense qu'il n'y a pas d'application dessus, là. Non, moi, je suis d'accord aussi dans le chat. On dit que le Google TV est plus intéressant que le Nexus Q, je pense aussi. Elle est belle, la boule, là, mais à 300$, là, non merci. C'est tout ça. Ça coûte moins cher que ça ailleurs. Elle coûte moins cher, oui, c'est ça. Voilà. Mais je vais sûrement... Elle sort quand, la tablette? Sorti là. Non, c'est le mois prochain. Tu l'achètes maintenant, puis elle est livrée en juillet. Mi-juillet, ah. Voilà. OK. Donc, ça serait intéressant. Je vais checker ça. Je vais peut-être l'acheter. On va voir, tu sais. Puis, comme je disais, je ne sais pas si ça ne va pas forcer Apple à faire une tablette entrée de gamme. D'ailleurs, il y avait des rapports qui sont sortis aujourd'hui comme quoi si Apple fait une tablette avec un écran de 7 pouces en enlevant là, ce qui a été enlevé sur la Nexus parce qu'il n'y a pas deux caméras, il y en a une, des petites choses comme ça, la tablette, selon les marges qu'Apple se prend d'habitude, devrait être vendue autour de 300$. Donc, c'est plus cher, mais ça reste un produit Apple. Ça pourrait se faire. Fait que sur le prix, ils sont capables d'aller sur quelque chose de moins cher. Ils ne semblent pas vouloir le faire. Ils ont leur raison. Apple ne fait pas d'entrée de gamme. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être qu'avec le iPhone, ils vont nous sortir un iPad mini, peut-être. Mais moi, personnellement, ça m'étonnerait. Ouais. Voilà. Donc, chose on qu'ils font, a... c'est qu'ils supportent l'ancienne version un peu moins chère. Tu sais, je pense que c'était à 409 ou 419, là, oui. L'iPad 2. 399, donc 409 canadiens. Ouais. On a eu des questions. Je commence avec la première qui nous vient de Daniel. Mon MBA affiche ma batterie à 97% et charge complétée. Est-ce normal? En fait, est-ce normal? Pas tout à fait. Il y a un certain nombre de choses à faire. Dans un premier temps, en fait, si vous me suivez, vous allez dans la pomme, vous allez dans « À propos de ce Mac » ou « About this Mac ». Et dans la section « More info », Si vous êtes en 10.7, parce que c'est quelque chose de nouveau, avant, là, ça affichait ce qu'on avait besoin. Mais il va falloir cliquer sur « System Report ». Et là, vous allez vous retrouver dans le « System Profiler » ou dans le « System Information » maintenant. Mais il faut dire pourquoi, là, en fait, quand tu t'en vas dans les settings, c'est juste pour la calibration de la batterie, en fait. C'est vraiment Voilà. Et là, c'est « Firewall Location », il y a « Battery ». « Battery » est où? Power. C'est dans Power. Donc, dans Power, vous allez avoir les informations de charge. Donc, la charge restante, est-ce qu'elle est en pleine charge? Est-ce qu'elle est en train de charger? Et la capacité la plus haute sur la batterie. Donc, à 97%, normalement, la full charge capacity devrait être un chiffre, puis le charge remaining devrait être un peu plus bas s'il vous affiche 97%. Quand les batteries déconnent comme ça, ce qu'on peut peut-être faire, et je n'ai pas la procédure sous la main, tu peux peut-être faire une recherche rapidement, Jean-François, sur un MacBook Air, comment faire un reset de PMU. Le PMU, c'est le Power Management Unit sur les Mac. Et sur un ordinateur, en fait, que la batterie est amovible, c'est assez facile à faire. Il faut enlever la batterie et appuyer sur le bouton Power pendant quelques secondes. Mais je ne me souviens plus exactement c'est quoi pour les ordinateurs. Donc, CTRL, ALT, puis le bouton Power. Ça se peut. Donc, ça peut être intéressant et ça va faire un reset de PMU. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, ça va être peut-être de prendre un rendez-vous avec le Apple Store et d'aller voir les génies au Apple Store ont sur un disque dur externe un petit logiciel avec lequel ils bootent le système et ils sont capables de faire des vérifications au niveau de la batterie. S'il y a un problème avec la batterie à ce moment-là, Moi, ça m'arrive de temps en temps, là, des 99-98%, puis c'est ça, tu recalibres la batterie finalement. Il y a une manière de faire là, pour tu débranches, tu rebranches, tu fermes ton ordinateur à peu près 5 heures, puis quand tu le rebranches, normalement le pourcentage devrait être au maximum. Là. Normalement, c'est pas un problème de batterie en tant que tel, c'est plus au niveau logiciel, là, au niveau du calcul de temps et de puissance de la batterie. Là. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Puis tu peux peut-être nous dire dans le chat si tu es satisfait de ta machine. Je pense que les MacBook Air, c'est vraiment un coup de génie de Apple. C'est une machine qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup vendue. Et je pense que les propriétaires en sont très contents. Comme Daniel vient de dire dans le chat, avec un ordinateur à 1000$, on ne devrait pas être censé de calibrer la batterie. J'ai un MacBook, j'ai payé 1400$ il y a 2 mois, et des fois, il faut que je calibre ma batterie, même si la batterie est neuve. Fait que, je veux dire... C'est une critique légitime. D'abord, d'un côté, on pourrait dire, oui, effectivement, je ne veux pas avoir à calibrer une batterie sur un laptop à 1000$. De l'autre côté, on pourrait dire, oui, tu aurais pu acheter un Toshiba à 400$, puis avoir 3 heures de batterie. Ça s'équivaut. T'sais, je ne devrais pas non plus avoir sur un ordinateur peut-être un petit peu moins cher à ne pas avoir de batterie ou à peu près. Maintenant, c'est une technologie de batterie assez spéciale qu'ils utilisent. La calibration de la batterie, c'est pas inhérent à la technologie de Apple, c'est pas inhérent à quoi que ce soit, c'est inhérent à la technologie de batterie. Il faut sa batterie une fois de temps en temps et la remplir. Et c'est comme ça que la batterie va, si tu veux, faire sa meilleure job. Rester intelligente. C'est sûr que si toi, tu es à 40%, tu plugues ta batterie, ça monte, tu déplugues à 80%, c'est pas une bonne gestion de la batterie. Maintenant, c'est normal qu'il te marque 97%? Alors que la batterie est pleine, je pense pas qu'il y a un ajustement à faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces petits trucs-là à faire, le reset de PMU. Mais gars, on pourrait dire la même affaire aussi. Vas-y. Bien, c'est... Quand on parle, c'est un problème de, au niveau logiciel, au niveau du calcul. C'est pas directement relié à la batterie en tant que telle. C'est ça, je m'en allais Puis, dire aussi. en fait, le laptop, qu'il soit à 1000$ ou que tu achètes un Mac Pro boosté à l'os à 5000$, c'est le même logiciel en arrière de ça. Donc, ben, un Mac Pro, là, ça s'applique pas là, parce qu'il n'y a pas de batterie, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est le logiciel en arrière. Donc, tu peux pas, que ce soit un ordinateur à 2000$ que tu as bâti, ou que ce soit un petit laptop à 900$ que tu as bâti. C'est le logiciel quand même, là, tu peux pas faire des miracles. Puis c'est vrai que ça peut être fatigant. Par contre, tu calibres pas ça à toutes les semaines. Moi, personnellement, ça fait peut-être un 2 mois que j'ai pas vu mon 99-98%. Puis d'habitude, quand tu laisses le truc le plus facile, au lieu de suivre là, toute la manière de faire sur au lien que j'ai mis dans le vidéo, tu fais juste vider ta batterie, puis une fois qu'elle est à 10-12%, tu la rebranches. Puis normalement, elle augmente jusqu'à 100%, puis ça fonctionne un bout de temps. Là. Faut que c'est juste au niveau de comment tu l'utilises plus. Là. En fait, le calibrage de batterie, ah bon, Apple, Apple en ouais. parle dans le ben, guide. C'est comme la même affaire que tu disais. Oui, c'est ça. C'est comme le pourcentage de batterie logicielle. C'est la même affaire sous l'iPhone. Ce n'est pas la batterie qui dit le pourcentage quand elle apparaît en haut à droite de ton écran, là. C'est un logiciel qui calcule combien il te reste de pourcentage dans ta batterie, là. C'est un pourcentage. Fait que c'est un pourcentage en rapport à l'utilisation que tu vas en faire. Si avec ce pourcentage-là, mettons, tu descends de 100% à 40%, tu n'as presque rien fait avec ton ordinateur, avec ton téléphone, tu es tombé jusqu'à X pourcentage de batterie et que là, à partir du fait du moment que tu es de 60%, tu te connectes au 3G, tu fais du gros streaming vidéo puis tout le kit, bien là, c'est sûr que ton 60% vaut moins que ton 40% que tu as utilisé en termes de temps d'utilisation. Je suis pas obligé. Hein. Moi, je travaille avec des professionnels. On a-tu d'autres questions là en ce moment? Oh my God! Sur mon MacBook Pro 2006, j'utilisais Coconut Battery pour avoir plus d'infos sur ma batterie. Oui, c'est un bon petit logiciel qui est capable de donner l'information. Sur un Mac, ça fonctionne relativement bien, mais toutes les cochonneries de batterie que vous pouvez trouver dans le Apple Store, dans l'App Store, c'est-à-dire, c'est pas terrible. Ouais, des trucs, fermer ton 3G ou fermer Puis je pense que j'en avais déjà parlé, même il y a des jeux, quand tu joues à des jeux qui sont gratuits, ça te prend un peu plus de puissance sur ta machine, par exemple ton iPhone ou ton iPad, parce que il y a de la publicité, puis la publicité doit se connecter toujours sur un serveur externe, donc utilise Internet, par rapport à un jeu qui est payant, qui n'a pas de publicité, puis que dans le fond c'est fermé, à moins que tu joues multijoueur, c'est fermé, donc ça peut être aussi un truc, parenthèse. Voilà. Sinon, on n'a pas d'autres questions à soir? C'est ça, je suis en train de checker. Moi, j'en ai eu une. Ah ouais? J'ai eu une question cette semaine. Par exemple, si chez ton fournisseur d'accès, mettons Vidéotron, tu te fais hacker ton compte de mail ou tu te fais hacker en fait ta connexion Internet, tu es capable d'aller regarder des logs. En fait, tu es capable de demander avec un subpoena, je pense, des logs de connexion. J'ai quelqu'un cette semaine qui m'a posé la question. Eux utilisent pour leur email le compte iCloud, ou avant c'était le MobileMe. Et bon, on sait pour récupérer le mot de passe ou pour changer le mot de passe de ça, ce sont des questions secrètes. OK? Mais l'affaire, c'est que si tu as vécu 10-15 ans avec quelqu'un, puis que là, ça chire entre ton ex et toi, puis que tu te sépares, bien, ton ex, il a fort à parier qu'il est capable de trouver les réponses aux questions secrètes, donc d'avoir accès à ton mot de passe, donc d'avoir accès ou de guesser ton mot de passe. Et puis là, si tu as accès si l'autre personne a accès à ton compte MobileMe ou ton compte iCloud, est-ce qu'il y a une place où est-ce que tu peux aller demander à Apple d'avoir les logs de connexion et les adresses IP qui se sont connectées à ton compte iCloud? Non, je pense pas que c'est possible. J'ai pas la réponse à ça. Non. Moi, j'ai fait une demande auprès d'Apple. J'ai écrit au service à la clientèle d'Apple. J'ai pas eu de réponse encore. J'imagine que le email là, doit monter tranquillement dans les méandres. Puis je vais peut-être avoir une réponse éventuellement. Je sais pas si tu vas avoir une réponse tout court. Ouais, c'est ça. Peut-être ça pas, mais j'ai essayé, en fait. Là, c'était pour c'était une cliente qui me demandait de regarder pour sinon, ça. C'est sûr que des questions comme... À quelle école tu es allé en sixième année, c'est pas des questions qui sont très solides au niveau de la sécurité parce que, je veux dire, tu es allé à la même école pendant 10 ans avec quelqu'un, puis cette personne-là va pouvoir répondre à ta question. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une question, c'est qui ton meilleur ami, mais tu mets un nom fictif avec des majuscules puis des chiffres dedans, tu fais juste te rappeler, puis je veux dire, personne va pouvoir savoir, même la personne que tu as connue ou ton meilleur ami qui est rendu ton pire ennemi, ben il peut pas rentrer son nom parce que ça marchera pas. Fait c'est des questions, moi personnellement, c'est ça que je fais. Là. Ça met un deuxième mot de passe de sécurité. Là. Ben toi, de toute façon, tes amis, vu que tu es à Trois-Rivières, sont souvent imaginaires. Fait que c'est une blague. Là. Il y en a beaucoup à Gatineau. J'ai vécu 10 ans à Gatineau, fait que c'est sûr que j'ai beaucoup plus de connaissances qu'ici. Tranquillement, par exemple, je sors un peu plus d'un bar. Là, fait que... tu commences à en avoir un exactement, peu. Exactement. On se fait des amis quand on paye des tournées. Ouais, c'est... voilà. Oh. On nous rappelle quelque chose, voilà. Donc, il y a Patrick Ducharme qui est toujours là pour nous rappeler à l'ordre. Le tirage, on est prêt à faire ça pour le Gorilla Mobilori? On est prêt. On espère que c'est quelqu'un qui a participé, qui a un iPad dans un premier temps. On rappelle la question. La ouais, question est prête. Qui s'inscrit pour ça, j'espère qu'il l'a. Là. Ou sinon, il va le vendre. Voilà. By the way, pour le truc de questions secrètes dont on parlait là, il y a deux secondes, le concept de questions secrètes, il y a une couple d'années, je me suis réveillé et à la radio, il y avait Mitsu qui annonçait que les numéros de téléphone de plein de monde connu s'étaient retrouvés sur Internet parce que le téléphone Danger de Paris Hilton s'était fait hacker. Et on avait appris un peu plus tard, en fait, que le téléphone, c'était pas fait hacker. La conne, sa question secrète, c'était « C'est quoi le nom de mon chien? » Ah, son bravo. Chien, il est aussi connu qu'elle. Ben, parce ouais. qu'elle l'a dans son show puis qu'elle passe son temps à dire son nom. T'sais. Fait que le gars, il est juste allé sur Danger. Il a fait p.hilton puis paris.hilton@danger.com. Puis là, il a vu « Question secrète, le nom de mon chihuahua. » En fait, c'est la crotte là, qu'elle tient toujours avec elle. Puis, c'était ça, tu sais. Fait que là, il a eu accès à comme tout son service Danger au complet, tout son carnet. Il a trippé, ça n'a pas de bon sens. Ben, il a dû faire comme... Es-tu niaiseuse? Oui, mais ça, on le savait, tu sais. Mais il a fait comme... Ah non, elle est vraiment conne, c'est correct. Il a pris solide, comme solide. Tout le truc, puis il est parti avec, là, mais tu sais... C'est niaiseux, là, tu sais, qu'il n'y avait pas pensé. Donc, voilà. Sinon. Donc, concours. Oui, concours. Vas-y. On fait le tirage, donc on part ça tout de suite. La question, c'était quoi déjà? La question, en fait, qu'on avait posée, c'était nommez-nous quatre compagnies pour lesquelles Steve Jobs a travaillé autre que Apple. Est-ce qu'on avait dit autre qu'Apple? Je pense pas. Je pense que tout le monde a mis Apple. Ben, ouais, tout le monde a mis Apple plus trois autres compagnies. Là. Donc, voilà. Donc il y avait quoi comme possibilité de réponse? Ben, on va faire tirer la personne, puis ensuite, on va dire, dans le fond, les réponses, finalement. T'as-tu un petit battement de tambour, quelque chose? Non, t'as pas préparé ça? Non, okay. J'ai pas préparé ça, Alexis. Prends des notes. Prochain show, petit bâton, ben, prochain tirage. Ben écoute, j'ai je peux aller chercher la chanson que j'avais faite Want to be a Millionaire. Là. Non, c'est Jeopardy qu'il faut. Oui. Ah oui. L'autre aussi fonctionne. Oui. Ok. Tum. Donc, C'est Slugdog Millionaire, fait que c'est parti en même temps que j'ai fait une recherche. Donc, le gagnant est Patrick Vézina. Patrick Vézina. Puis okay. Pour ses réponses, on va aller voir ça. Oui, on va aller vérifier. Donc, Patrick Vézina... Attendez, j'ai mis son courriel. OK, donc c'est bon. En fait, il a tapé Apple, évidemment. Mm-hmm. Pixar, qu'il a fondé avec quelqu'un d'autre. Next Computer. Et Atari, où il a travaillé dans ses jeunes années comme programmeur, je crois. Il y aurait eu HP aussi, je crois, qui était bon comme réponse. C'est pas Xerox? Hewlett-Packard. Hewlett-Packard. Xerox, c'est où est-ce qu'il est allé pour aller chercher la souris. Et j'ai vu que certaines personnes avaient répondu Disney. Et Steve Jobs n'a jamais travaillé pour Disney. Non. Il en était l'actionnaire unique, ou en fait personnel, ayant le plus d'actions. Mais il y a des consortiums qui ont plus d'actions. Mais étant un seul gars, c'était le gars qui avait le plus d'actions. Puis, Disney avait acheté Pixar, puis au lieu de donner justement de l'argent, avait donné un nombre d'actions à Steve Jobs. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y avait le rapport avec Disney, mais effectivement, il n'a pas travaillé chez Disney. Effectivement. Voilà, donc, cette personne. Je vais mettre quelqu'un d'autre, honnêtement, en charge des concours, parce que le premier concours qu'on a fait, là, je vais m'excuser d'ailleurs de ça, mais le premier concours qu'on a fait pour le Smart Cover, il n'est toujours pas envoyé. C'est Yves Gontier, si je ne me trompe pas, qui l'avait gagné, et je ne l'ai toujours pas envoyé. Fait que, il m'envoie des emails de temps en temps. Il fait « Dude, ça va-tu encore coller sur mon iPad 5? » Fait que, envoie-moi ça. Fait que, je vais rapidement. OK, fait que j'imagine que, bon, il y a lui, il y a Guy Dumontier de la dernière fois, du Keyfolio. Là, il va avoir lui aussi. Ouais. Voilà, fait que faut tout le renvoyer. D'ailleurs, il faut inscrire. Faudrait faire des règlements pour ces concours-là. On fait ça là-bas comme je te pousse. Oui, bien, on a eu une personne qui nous a écrit à Québec. Donc, j'ai dû. J'ai appelé, en fait, la régie de je sais pas quoi pour les concours. Je pense qu'en bas de 100$, on est correct. Bien, en fait, il y a certains éléments. Je pense que c'est en bas de 150$. Puis, il y a certains éléments comme la date limite du concours, comme les anciens gagnants du concours. Donc, finalement, si vous allez sur la page du concours, concours-trédunion Gorilla Mobile, qui va être changé dans les prochains jours, pour ça va être barré, là. Vous ne pourrez plus vous inscrire au concours vu qu'on vient de le tirer. Mais vous allez voir les gagnants à droite des anciens concours. Excellent. Fait que on va mettre ça drette. Il y a moi. Moi, quoi? Qui a gagné quelque chose? Éric Paquin, oui. Je me souviens plus qu'est-ce que c'est. Ça se peut très bien pour... Space Mount et Stansleeve, peut-être? Ah non, il dit qu'il y a une apps qui a gagné. Fait que, oui. Sinon, on n'a pas d'autres questions, messieurs. On a eu comme... On a eu un bon show de Mac-Québec. Voilà, on va en préparer un bon pour l'autre semaine. Avez-vous eu ma question tantôt? Ah oui, bien, dans l'autre show, est-ce que tu peux, Andrew Germain, est-ce que tu peux la remettre peut-être avec le comment or question juste dans le coin du player vidéo? Comme ça, on va pouvoir l'afficher pour tout le monde. Ah oui, hey, je veux faire une annonce aussi. Oui. Je ne sais pas si je peux en parler, mais je vais le faire quand même, là. Ils ne comprendront pas. De toute façon, on est des Québécois, on parle français. Alors... Tu veux dire en NDA, là? Un genre, là, tu sais. Fait ouais. C'est ça. Spreecast vont sortir une application iOS. Ah oui, tu es en train web. Puis tu es en train de tester l'application? Disponible, là. Ouais, mais là, elle n'est plus disponible, là. OK. Ils l'ont enlevé. Fait que d'après moi, la version finale va arriver bientôt. Puis ça fonctionnait bien. J'ai fait des tests il y a des soirs là, que je me partais des chats, des shows moi-même. Je sais pas s'il y en a qui sont abonnés à moi. Fait que je devais avoir su des emails. J'ai vu test il y a une couple de jours. Ouais, c'est ça. Fait que je partais des tests, mais j'avais oublié d'enlever le email de notification. Puis ça fonctionne bien. Le chat est intégré. Oui, le chat est intégré dans l'application. La seule affaire, je ne sais pas si elle va être pour juste iPhone puis iPad. Je ne sais pas trop comment ils vont la faire. Mais en tout cas, moi, je l'ai testé sur iPhone parce que j'ai pas d'iPad. Puis ça fonctionne bien. L'image est belle. Le son, il est bon. L'intégration d'une autre personne, mettons qu'un ami à nous, mettons Benoît Mercier qui est dans le chat, vient nous rejoindre live, la personne s'intègre bien dans le frame de l'image. Oh, c'est fait cool. Que ça fonctionne bien. Là, ils m'ont envoyé un message, faut que je réponde à un survey, là, un petit sondage, comment j'ai aimé l'application. Alors, j'ai répondu à ça. Fait que d'après moi, l'application ne devrait tarder à sortir sur la App Store. Fait que, excellent, c'est pas mal intéressant ça. J'ai hâte de l'avoir. Oui. Sinon, quand je manque de batterie, le Recovery Boot ne fonctionne pas. Quand je manque de batterie, c'est normal, quand on manque de batterie, l'ordinateur ne marche plus. C'est ça, exactement. Fonctionne pas. Oui, ben, c'est ce que je me disais aussi, là, mais. Ben, il doit avoir quelque chose de plus poussé, là, mais la question est assez simple. Là. Est-ce qu'il y a quand il n'y a plus de batterie dans un notre réponse au départ, juste avec ces informations-là, serait quand un ordinateur a plus d'électricité, il ne fonctionne pas. Mais peut-être qu'il y a d'autres, probablement qu'il y a d'autres détails. Là, par exemple, si vous utilisez votre laptop, ben le notebook, le MacBook Pro, puis vous avez à peu près 10% de batterie, mais vous essayez de redémarrer, souvent en bas de 10%, il ne redémarre plus pour essayer de sauvegarder la mémoire. De RAM, ça arrive ça de temps en temps. Je sais pas si ça peut répondre à ta question, je pense pas, là, mais quand il manque de batterie, justement, quand il reste 4-5%, tu fermes l'ordinateur, tu peux pas le rouvrir d'habitude. Ça répond pas quand je reboot après avoir manqué de batterie et qu'il est branché. Ah. Il ne marche pas, le Recovery Boot. Ça peut prendre peut-être quelques minutes. Ben, pas nécessairement. S'il est branché, le Recovery Boot va partir quand même. Mais premièrement, pourquoi tu aurais besoin du Recovery Boot pour rebooter ton ordinateur? Tu voudrais réinstaller Lyon? Je pense que c'est juste quand il reboot la machine. Mais ça, oui, c'est ça, quand il reboot la machine. Ça, mais ça, tu pourrais faire un disque utility, tu pourrais vérifier l'intégrité du disque. C'est l'intégrité du disque entier, là. Patrick a raison, en fait. Ça fait partie, en fait, du système, en fait, de d'électricité. Fait que la procédure dont on a parlé tantôt, le Power Management Unit Reset, serait probablement la chose à faire dans ce cas-là. Sinon, un reset de SMC aussi pourrait être fait. Ce sont deux procédures qui sont répertoriés là, sur le site de Apple. System Management Control, juste une petite seconde. Rapidement, là, j'ai ici le premier pour le reset de SMC. Ah, pourquoi il ne prend pas? Ça ici. Ça ici, c'est pour le reset de SMC. Et ça, c'est le SMC. En fait, dans le même truc, on parlerait du PMU, là, un petit peu, le System Management Controller et le PMU. Puis, il y a un article ici de CNET qui nous dit quand resetter l'un et l'autre. Donc, voilà. Merci, Dean. Donc, pour resetter sur les Intel dont la batterie est inamovible, ce serait Shift, Control, Alt et Alimentation, c'est-à-dire le bouton Power. Si je ne me trompe pas, il faut que l'alimentation soit débranchée de l'ordinateur pour que ça fonctionne. Ouais. Donc, essaye ça. Un bon verre d'eau, deux Tylenol, rien de voir pour savoir si ça a marché dans deux semaines. On aimerait bien savoir. Deux, trois Xanax. Le ça lien que tu as mis, mis dans la chatroom, c'est pour ceux qui nous écoutent en podcast en balado. Direct, en fait. C'est ça exactement. Vous pourrez. Le lien va être là. Excellent. On va mettre les liens dans les notes de podcast. Sinon, d'autres questions? Oui, on va aller vite. Là. On va un petit 10 minutes, là, genre, qu'on peut faire encore. Ouais, maximum. Maximum 10 minutes, là, on va en parler. Là. À date, là, de qu'est-ce qu'on sait de iOS 6, là, comment vous le trouvez, vous autres? Il y a bien du monde qui ont dit ça et je trouve que c'est quand même vrai. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui semblent provenir de Android ou du moins qui existaient dans Android. Tu sais, je ne sais pas si c'est des fonctionnalités à tout casser que Apple n'aurait pas pensé eux-mêmes. Mm-hmm. Moi, je suis quand même. L'intégration de Facebook, je trouve ça drôle. Le fait qu'on peut faire finalement Je comprends pourquoi on ne faisait pas de FaceTime sur le réseau cellulaire. J'ai essayé d'en faire un aujourd'hui avec deux barres sur le réseau LTE et ça passait tout croche. Puis c'est encore pire via Skype. Là. Fait que je peux comprendre pourquoi. C'est pas parce que ça se fait et qu'il y a une coupe d'image qui se transfère que faut que tu le mettes que c'est fluide. T'sais. Apple ne l'a pas mis parce que c'était pas une expérience utilisateur qui était intéressante. Puis c'est pas parce qu'ils sont pas capables de coder quelque chose qui a de l'allure. Skype, je suis désolé, là, mais au niveau vidéo, sur toutes les plateformes, depuis que Microsoft l'a, il y a vraiment une descente au niveau de la qualité de ce logiciel-là. C'est ridicule. Là, même quand tu te déplaces dans les contacts, là, quand je me déplace dans les contacts, une minute plus tard, là, je vois ma souris se promener dans les contacts puis tu vois les contacts bouger. Je veux dire, avant, ça me faisait pas du tout ça. C'est déjà un SSD, en plus. Là, c'est pas... Ou même, comme tantôt, j'ai reparti, quand moi puis Vincent, on se parlait, j'ai pris mon téléphone pour Skype parce que mon ordinateur était occupé. Puis il m'a sorti des messages du chat là, de Skype que ça a fait une semaine ou deux là, que ça a pris extrêmement de temps avant d'avoir là, c'est comme puis en plus il parle de mettre je sais pas si vous avez entendu ça, mais il parle de mettre des publicités dans vos conversations ouais, mais c'est pour la version Windows là présentement. Ouais, ben là, c'est pas, ouais, ça va s'emmener sur Mac là, on ouais, s'entend là, mais présentement c'est la version la version Windows qui a les pubs incluses dedans. Comme une publicité de couche de bébé. Hey, pourquoi on parle pas de couche de bébé? Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ça va être le fun pendant le podcast, une annonce de couche de bébé. Ça va bien intégrer dans le podcast. Il y a Andrew Germain qui nous dit en fait qu'il trouve ça gossant parce que quand il clique sur une adresse, ça s'ouvre dans Google Maps et non pas dans la nouvelle application Maps. Qui a été mis dedans. Ça, c'est dans iOS 6. Faudrait vérifier. C'est possible. Je check ça immédiatement. Mais c'est une bêta, donc les attaches entre les logiciels ne sont pas nécessairement toutes faites. Il parle aussi de Passbook qui va sûrement avoir une puce NFC. Je ne sais pas. Je suis pas sûr, moi, qu'il va avoir la puce NFC dans le prochain téléphone. Ils n'en ont absolument pas de besoin, honnêtement. Pas avec Passbook. Passbook, justement, c'est un service pour... Je veux dire, la personne qui crée un Passbook, t'es pas obligé d'avoir... C'est ça, t'es pas obligé d'avoir la technologie pour recevoir le NFC. C'est ça qui est plus pratique avec le Passbook, tu sais. T'as juste besoin d'un espèce de lecteur, par exemple, chez Starbucks. Puis t'as une carte cadeau sur Passbook, puis ça fonctionne. Ou... une carte d'embarquement, justement, tu lis le code, puis ça fonctionne. Oui, mais un lecteur, faudrait que cette technologie soit adaptable à la technologie actuelle. Comme ça, elle serait adoptée d'un seul coup. Parce que sinon, s'il faut juste un lecteur pour Passbook, il faut juste un lecteur pour la puce NFC, puis c'est pas plus compliqué, tu sais. Puis, en plus aussi, Ben non, en fait, pour le lecteur, c'est un lecteur de barcode. QR codes ou s'il y en a, c'est des barcodes. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas cher là, comme technologie. Qu'est-ce que tu montres? Il nous montre en fait que quand on clique sur une adresse, ça s'ouvre dans Maps. Il s'ouvre dans Maps, moi ici, là. Fait que okay. je sais pas. C'est dans les contacts natifs. Si tu allais sur un site web pour ouvrir une application, est-ce que ça l'ouvrirait dans... Ça, je l'ai pas essayé. La map qui est en arrière, c'est pas celle de Google? Une adresse dans Google. OK, donc quand tu cherches. Ouais, ben c'est ça, là. Moi, ce que j'ai trouvé trippant, d'abord, ils ont rajouté des villes en trois dimensions parce qu'il y a eu une mise à jour de iOS cette semaine, si je me trompe pas. En fait, Montréal est probablement à cause de Polyneuve. Montréal était là en premier, mais je regardais pas en fait si Montréal était en 3D, mais là, écoute, ma maison est en 3D là, sur le truc, puis je tourne autour, c'est malade, là. Je me donne mal au cœur. Ma maison est en 3D. À Pointe-Calumet. Oh, oui. Si tu vas à Pointe-Calumet, vous pouvez essayer. Je vous donnerai pas l'adresse exacte. J'ai pas envie de pogner au feu à cause d'un zélé d'Android qui a pas aimé ce que j'ai dit. Ou peut-être ceux qui ont fait des problèmes dans un CPE. Ouais. Tu l'as réglé, ça? Pas encore tout à fait, non. OK. C'est quoi, tu as harcelé quelqu'un? Je vous en reparlerai. Non. Jeff a fait un de mes tweets cette semaine, mais c'est un peu hors sujet. Fait que Ouais, c'est ça. C'est bon. Donc, c'est super beau à l'œil, mais quand tu t'attardes aux détails, tu te rends compte que les images, là, c'est les arbres sont un peu bizarres, les maisons sont un peu bizarres, les murs montent en courbe de même. Ça fonctionne, là, mais c'est... C'est pas extraordinaire. Ça donne un beau look. Là. Tu sais, quand tu mets le doigt et que tu glisses pour avoir le 3D, c'est fort, là, mais sinon, perdre Street View dans un premier temps, je trouve ça un peu plate. Ouais, moi aussi, de beaucoup. J'ai hâte de voir le voice, les directions par la voix. C'est juste sur le téléphone que ça fonctionne. Ça fonctionne pas sur l'iPad. Hein? Ben, le iPad 3, il y a le turn-by-turn navigation. Oui. Le 3 puis le 4S. Si Siri est dans le 3, fait que c'est sûr que le voice... Que j'ai essayé, puis il me semble que... quand on est revenu, en fait, de Sherbrooke, mais là, c'est parce que... En fait, on avait zéro signal. C'était cœur. Ouais. Peut-être que c'était à cause de ça. On a une question. Oui, vas-y, je vais checker pour le turn-by-turn. Quand Cybernard revient pour annoncer les bundle packs, je pense qu'il est revenu d'Europe il n'y a pas très longtemps ou il est encore là? Il est revenu, mais là, faut que j'y parle. Là, fait que je vais lui demander. Peut-être. À l'automne. Oui, c'est ça. Puis lui, il travaille dans une université. Donc, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il va avoir une surcharge de travail à cause de la grève. Donc, on va voir avec Bernard s'il revient, s'il veut revenir. Fait que il va... Mais de ce temps-ci, il n'y en a pas de bundle. Fait que... Ouais, t'es sûr? Ben, j'en ai pas vu. Pas non, mais j'en ai vu. J'ai vu un bundle gratuit là, il y a pas longtemps. On a parlé d'un bundle à Mac-Québec cette semaine, si je me trompe pas. Ouais, un bundle gratuit. Avec, une dizaine d'applications gratuites. J'ai essayé de retrouver ça. Le site est très lent, désolé, là, mais malheureusement, là, vous allez voir, là, le site est assez lent sur Mac-Québec. On est désolé de ça. C'est sur AppBuzzer, appbuzzer, probablement.com, et il y a 9 applications qui valent autour d'une centaine de dollars et qui, là, sont gratuites. On parle de Main Menu, de Corporate Style Pack Enterprise, de Vinyl, Snip Edge, Papier, Cockpit, Cloud Jot, Astrolog, Sudoku Uno, puis Chronicle. Ce sont des applications pas très connues, mais qui peuvent peut-être être intéressantes. Et puis sinon, j'ai oublié. Il y a une parenthèse à faire, par contre. Il y a une bonne partie des applications qui sont disponibles qu'avec Lyon. Ou avec, j'imagine, Mountain Lion aussi, là, mais... OK. Ouais. Sinon, sur The Next Web, cette semaine, puis je me permets de... En fait, je voulais apporter cette nouvelle-là dans le podcast Mac Québec, puis je la donne dans le LAM. Ils ont fait, en fait, le top des meilleures applications sorties en 2012 jusqu'à maintenant pour la plateforme iOS et pour le Mac. Donc, en première position, il y a Angry Birds Space qui s'est vendu à juste trop d'exemplaires pour que ce soit... Ils doivent être rendus à 60 millions à peu près. Je le dis, là, c'est ridicule. Puis considérant qu'ils vendent, c'est quoi, c'est à 4,99? Ils ont vendu 60 millions. Mm. Ouais, pour la version complète du Mac App Store est à 4,99. Ah, c'est écœurant. Ouais, c'est sûr qu'eux autres, ils ont fait 99 cents. S'ils en ont vendu 60 millions, écoute, tu sais, ça fait... au moins 60 millions, ouais, c'est sûr. Voilà. Sinon, deuxième application, il la donne à Snapseed, qui est une application de photographie. Ouais. Je pense que c'est gratuit, ouais, si je ne me trompe pas. Et ça permet en fait de faire des beaux effets à ces photos. La troisième position va à Limbo, qui est un jeu vraiment très, très spécial, un petit jeu indépendant. Qui est sorti sur Xbox 360 en premier, si je ne me trompe pas, mm-hmm, ouais, et qui a été porté. Donc, un beau jeu, Limbo. Sinon, il y a Fantastical, qui est une application... Ça, c'est hot! Ouais? Ça, c'est hot! C'est un calendrier qui se loge, en fait, dans votre barre en haut, puis qui vous permet de, je pense, pas mal plus rapidement que iCal, de rajouter des... Ouais, mais ça, là, c'est... Tu ne l'as pas essayé, celle-là? Non. Je vais te l'envoyer. Tu l'essayeras, je vais t'envoyer quelque chose. Là. Okay. Mais c'est hot. Tu parles, t'écris là, comme tu penses, OK? Puis okay, lui, il va te créer ton calendrier automatiquement. Là. Mm. Tu n'as pas besoin de dire, OK, mettons, demain, j'ai un dîner d'affaires avec Alexis et Vincent. Okay. Ben, demain midi, il va te mettre automatiquement, il va tout lire, il va te mettre automatiquement ton iCal à jour là-dessus, puis demain, ça va être marqué demain midi, tu as un dîner d'affaires avec Alexis et Vincent. Là. Wow. Tu tapes, puis ça le fait automatiquement. Ah oui, c'est super hot, ça. Là. C'est très bien. Ça fait longtemps que je l'utilise. Excellent. Sinon, on parle de Sparrow pour les gens qui cherchent un client pour mail. Un client mail, en fait, qui utilise Gmail. Il était à 99 cents il n'y a pas longtemps, hein? Oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il est encore en spécial, lui. Voilà. Sinon, il y a un client de email. iOS. Sur iOS ou sur Mac? En fait, il fait les deux. Oui, je sais, mais lequel tu parles en ce moment pour le 99 sous? Je pense celui de Mac. OK. Sinon, je pense que c'est une application qui était quand même 10$. Il est 2,99. Ah, quand même. Oui. Sinon, il parle de Coda 2, CODA. Est-ce que tu as déjà utilisé ça, Vincent? Pardon? Pour lire l'application, les codes, non, l'application Coda pour faire du code. C'est un... Non, OK. Pour ma part, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Là, tant que quand tu as le laptop, tu développes sur ton laptop. Là. Maintenant, moi, je développe plus comme Objective-C, C++. Fait que c'est pas, peut-être pas plus mon rayon, peut-être du PHP ou du JavaScript, ce serait peut-être différent, là, j'imagine. Ouais, c'est des CSS que tu développes là-dedans, du PHP, des trucs comme ça. Sinon, il y a Trickster, que je connais pas bien, qui est en fait un espèce de truc pour aller chercher... C'est un espèce de mini-finder pour aller chercher ces trucs plus rapidement. Donc, ça peut être intéressant. On parle aussi de Gemini. Donc, Gemini qui it can scan any location through the process. Je pense que c'est la même compagnie qui fait Clean My Mac. Ah oui? Ben, quelque chose comme ça, me semble. Ah, Gemini, c'est pour trouver les duplicates. OK. Dans des dossiers. Fait que tu y glisses quelque chose dessus, un dossier, puis il va te trouver les duplicates dedans. Sinon, il y a Moon qui fait de la gestion de fenêtres parce que le bouton vert chez Apple, c'est un bouton de zoom. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Donc, qui va mettre votre fenêtre en tout petit ou en gros, mais jamais en comme plein écran. Et Zoom rajoute en fait des fonctionnalités pour aller rapidement placer sa fenêtre un peu partout. Donc, moitié à gauche, moitié à droite, moitié en haut, moitié en bas ou complètement. Toujours avec le bouton Zoom, fait que ça peut être très intéressant. Sinon, il y a Favs qui est en fait un espèce de truc qui va regrouper toute l'information. Oui, exactement, qui va aller regrouper toute l'information de vos médias sociaux, mais là, ils en ont une méga liste, là. Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, puis il y a un paquet de logos que je connais absolument pas. Une petite application de productivité qui coûte 9,99 qui « In similar apps, once Apple rolls out ». OK. Donc, une petite application... C'est la même affaire que ouais, que de Fantastical. C'est la même maudite affaire. Ah ouais? Ben ouais, je suis en train de le lire, là. Puis là, je vois, c'est la même maudite affaire qu'une Fantastical que j'utilise. Ouais, mais c'est une application de Reminder. Ben, en tout cas, il marque... c'est un tout. Which lets you use natural language to add items to your calendar. Ah, OK. Sinon, il parle de Better Snap Tool. Donc ça, c'est pour faire du copier-coller, mais de meilleure façon. As it make it easy to move windows around. Make it easy to move windows around on a Mac. OK. Ils disent que c'est plus facile. Je pense que c'est la même chose que Moon dont je parlais. Ils parlent de Scala Preview. Ils parlent de Flutter. Flutter, c'est intéressant. En fait, là, l'application risque de s'améliorer avec le temps. J'en avais trouvé une à l'époque qui était quand même assez intéressante. Flutter, tu l'installes sur ton ordinateur, c'est gratuit. Et ça te permet en fait de simplement d'un mouvement de la main comme ça, de démarrer ou de faire pause sur du contenu iTunes, VLC, Spotify et QuickTime. Fait que tu es loin de ton ordinateur, tu veux que la musique arrête. Tu es en train de parler à quelqu'un, puis là, comme il y a la musique dans tes oreilles, tu te retournes, tu fais ça comme ça. À ton ordinateur, la musique arrête, tu te retournes vers l'autre personne, puis il fait comme, il comprend pas ce qui s'est passé. Là. Tu viens d'enlever ton ordi à fermer. Tu viens d'y faire comme un enfant, là. Hey, ferme ta gueule. Puis, ton ordinateur arrête. Fait que ça peut être assez drôle. Je vous invite à le télécharger. C'est assez impressionnant, là, vu qu'il y a une caméra dans votre Mac, puis tout ça. Là, tu m'as dit, hey, Chuck, achète un Mac, tu vas pouvoir lui dire, arrête ta musique avec la main, tu sais. Pareil ouais, comme ça. Dans Minority Report. Et sinon, on propose Found, qui sont des recherches à l'intérieur de votre Mac. Donc, une espèce de... des recherches à l'intérieur de votre Mac et sur vos services cloud. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Il y a Music's Match pour les paroles de musique. Cobook, je ne sais pas exactement c'est quoi. Drag and Drop, une autre application qui est autour de 4,99. Je pense que c'est pour mixer un paquet de trucs ensemble, se faire une espèce de can hold. Ça peut retenir à peu près n'importe quoi. Fait que c'est pour faire des espèces de patchwork d'informations, là, des fichiers, du texte, des emails, des photos, des trucs comme ça. Donc, une espèce de brainstorm, là, si on veut. Donc, voilà, ce sont des applications qui sont sorties cette année qui peuvent peut-être vous intéresser, qui ne sont pas très chères et qui sont disponibles sur le App Store. Et dans les notes du podcast, on rajoutera l'adresse pour aller les chercher. Tu m'enverras ça tantôt pour que je puisse la rajouter. Excellent. En fait, ça va être dans le document du podcast Mac Québec. OK, parfait. Je pense que ça fait pas mal le tour pour cette semaine. On reçoit moins de questions. Les gens sont en congé ou je sais pas. Moins de questions sur Mac Québec en trade aussi. Ouais, je pense que c'est plus les vacances qui arrivent, puis on est l'été. Et on nous dit Daniel, pour finir, en fait, aujourd'hui, qui nous demande quand Tweetbot sera dispo pour Mac. Ça, faudrait demander à Tweetbot sur Twitter. Je pense qu'ils sont en train de travailler dessus, par exemple. Ouais. On sait qu'il y a une bêta qui est en train de travailler. Là. Il y a du monde qui ont... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il a annoncé que la bêta, j'y ai offert ma première fille en échange de la participation au bêta. Semble-t-il qu'il n'était pas intéressé. Non, je pense qu'elle m'a des 3 ou 4 au moins. Fait que... Ouais. On partira un 4 Vince. Oh, je me reproduise. En tout cas. Bon! Qu'est-ce qu'il y a, là? Pourquoi à chaque fois que je parle de me reproduire, il y a quelqu'un qui rit, là? C'est pas drôle. Non, non! Bon. Non, mais moi, c'était pas ça. Je disais pour ta fille, pour avoir Tweetbot, là, tu donnerais ta fille, là. C'est pas en tout cas. Bon. Voyons, on sait très bien que c'est pas vrai. Je le sais bien. Oh. Comment on fait pour vous rejoindre? Là, calme-toi, Daniel. En fait, effectivement, où est-ce qu'on vous retrouve sur les internets, messieurs? Donc, Vincent? Vous pouvez moi à DEV Vemiller sur les Twitter. Donc, en fait, sur tous les Twitter, vous pouvez me trouver là. Puis sur mon site web, vemiller.ca, si vous avez une application à développer. En ce moment, je suis assez, disons, assez serré dans mon temps. Là. J'ai beaucoup de projets là, en même temps. Sinon, c'est ça. Puis au sujet du podcast, il va y avoir quelques... Je vais vous prendre 2 minutes après le show là, pour en parler, là, mais il va y avoir des changements aussi sur la plateforme peut-être là, dans les futures semaines. Donc c'est ça. Donc, on a hâte de voir... HTML5. JF, où est-ce qu'on peut te trouver sur Twitter? Oui, on peut me retrouver à JFroy1979. Puis je suis assez présent de ce temps-ci. Fait que, oui, tu es souvent là, effectivement. Mon plus de 51. Ouh, pas pire. Pas pire, pantoute. Ouais. Pour ma part, où est-ce que vous pouvez me trouver actuellement? Même chez les vedettes. Ouais, voilà, chez les vedettes, moi, voyez, j'aime faire des rencontres, partager avec les gens, voilà. La business a bien été dernièrement, je suis quand même content, je suis bien occupé, bien fatigué, c'est pour ça que j'ai été moins présent sur les internets, mais vous pouvez quand même me parler sur Alex Cornelier sur Twitter. J'ai pas le temps, mais j'ai le goût de retourner sur G+. J'ai le goût de retourner sur Google+, avec ce qu'ils ont annoncé, là, Event, puis tout ça, là, la plateforme est belle. Quand tu y vas, ça donne le goût de l'utiliser, mais il y a personne. On dirait qu'il y a un chemin plus long à faire pour aller sur Google+. C'est bizarre. Oui, mais... oui c'est vrai, c'est exactement ça. On dirait qu'il y a comme Facebook, Twitter, puis il y a comme... Google+, plus loin. Vraiment loin, tu sais, comme... C'est-à-dire, le seul temps que Google+, fonctionne, c'est quand Twitter ne fonctionne pas. Parce non, que Twitter n'a pas fonctionné il n'y a pas longtemps. Oui, ouais, Twitter a planté il n'y a pas longtemps. Et tout le monde a été sur Google+. Ben, moi, ce que j'ai lu, c'est que le monde n'avait pas le réflexe d'aller sur Google+. c'était comme bad. Tu sais, il se posait avoir plein de monde, c'est fait pour ça. Puis le monde, il fait comme... Ah oh non, si Twitter est pété, tu sais, puis au lieu de, je sais pas, aller ailleurs ou sur Facebook, ils sortent dehors, puis... Twitter est mort! Je parlais avec Kim, on est en train de régler un problème, puis je parlais avec Kim Auclair, puis j'y ai écrit un courriel, puis je suis allé dans Facebook pour essayer de la rejoindre, pour lui dire que Twitter fonctionnait pas, qu'il fallait se parler par courriel, parce que ça marchait pas. Fait qu'effectivement, moi non plus, j'ai pas eu le réflexe d'aller sur Google+, pour la contacter. Mm-hmm. Puis elle non plus, c'est pas la première place qu'elle serait allée probablement pour te non parler. Plus. Voilà. T'es assez présente, Kim, sur Google+. Oui, c'est vrai. Oui, t'es assez présente. C'est le monde alentour qui sont pas présents. Oui, c'est ça, exactement. On est pas présents. Exactement. Voilà. Donc, on vous salue. Pour ma part, je l'ai dit, Alex Cornelier sur Twitter et sur mon site alexcornelier.com, où il ne se passe pas grand-chose, mais où toute l'information, si vous voulez profiter de mes services, est disponible. Vous pouvez me contacter à partir de là. J'ai une parenthèse à faire, puis j'ai oublié de la faire au début, mais mon fameux sambon. Oui! En fait, je vais expliquer un petit peu la situation. Ma mère, est allée dans un... comment ça s'appelle? Party Light. Une espèce de réunion Tupperware, mais pas de Tupperware. Ça, je pense que c'est Party Light, puis c'est des lumières, des chandelles, ces affaires-là. Puis avec des parfums, puis bon... Puis en fait, elle a vu la seule affaire qui était techno là-dedans, un espèce de parfum USB. Donc, je vais le montrer à l'écran pour ceux qui sont en ce moment en chat. En fait, ça se branche dans mon laptop. Puis, il y a une lumière qui allume. Puis, en fait, je sais pas s'il y a un ventilateur ou ça chauffe un peu. Puis, il y a l'odeur qui sort. C'est un parfum. Donc, c'est un peu comme si vous branchiez dans le mur. Là. On m'a assuré que c'était pas à cause de l'odeur. Donc, je suis rassuré. elle a juste vu quelque chose d'USB. Puis, c'était technologique. Fait qu'elle a décidé de me l'acheter au lieu de m'acheter une chandelle. Écoute, je suis content parce qu'elle m'a pas acheté de chandelle. Mais si elle, fallait qu'elle m'achète quelque chose, fait au moins c'est quelque chose de techno. Là. Moi, je le brancherais dans le port USB du hélico, je pense, dans le salon. Et j'ai pas vérifié. Oui, ça fonctionne. Moi, je le pluggerais sur le chargeur d'un iPad pour voir si ça sent comme deux fois plus fort. Ah, peut-être. Pas, ouais. Ouais. Mais le port USB, Vincent, du hélico fonctionne. Il y a du courant dedans. Je branche mon téléphone des fois souvent. Ah, OK, bon. Ça charge? Oui, le front du hélico, le USB fonctionnel pour le courant, mais pas pour le transfert de données. Là. C'est pas pire, il y a la moitié des trucs en arrière de ça fonctionnent pas. Fait que, non, ils fonctionnent plus. Puis, mais... En tout cas, on en reviendra pas sur hélico nouvelle génération, là, mais bon. Fait que c'est ça. La dernière affaire qui s'est appelée nouvelle génération, c'était un Star Trek au début des années 90. On va te dire franchement, là, c'est à peu près ça. Ça te dit un peu d'où ça vient. Oui, exactement. Donc, on va vous souhaiter bonne semaine à tous et merci d'être resté avec nous pendant ces 2h30 comme faut de podcast. Ouais. On est à 2h36. Excellent. Donc, dans 2 semaines, messieurs. Bye bye. Bonne soirée. Bye-bye. Au revoir.